Son corps les a mis dans les vapes. Moi je fais comme si c'était normal. Son corps les a mis dans les vapes. Du sale. Ego c'est ma racli. Il faut que tu l'oublies. Ego c'est ma racli. Il faut que tu l'oublies. Ego c'est ma racli. Ma racli. Ego c'est ma racli. Ma racli. Poto il faut 1, 2, 3, 4 millions d'euros pour la madre. Je vais te parler cash. Tu vois les gens qui disent moi j'en ai plus rien à branler. Je suis plus à la cité. J'ai fait des sous dans le bac. Traîné sur un terrain vague. J'ai vidé la clé en boîte pour me sentir exister. Monte avec moi des 100 poids. Je vais gérer le pilotage et finir mon petit collage. J'aime trop liquider mon cash. J'évite ceux qui veulent me retarder. J'aime trop liquider mon cash. J'évite ceux qui veulent me retarder. Son corps les a mis dans les vapes. Moi je fais comme si c'était normal. Son corps les a mis dans les vapes. Du sale. Ego c'est ma racli. Il faut que tu l'oublies. Ego c'est ma racli. Il faut que tu l'oublies. Ego c'est ma racli. Ma racli. Ego c'est ma racli. Ma racli. J'tiens plus la sacoche dans le bat. Crois pas que j'ai fait un pacte. Si je le sors c'est pas pas. La carrosserie est intacte. Faut que je fasse gaffe. Tous complètement rabat. On va faire entrer les sous par milliers. 100, 200 par milliers. Elle est bonne et même habillée. Combien de cœurs elle a abîmé. Son corps les a mis dans les vapes. Moi je fais comme si c'était normal. Son corps les a mis dans les vapes. Du sale. Ego c'est ma racli. Il faut que tu l'oublies.